Vizu, vizu, Mikia. Vizu, vizu, Mikia. Vizu, vizu, Mikia. Vizu, vizu, Mikia. Vizu, vizu, Mikia. Vizu, vizu. Parce que les contes de fées se terminent toujours bien. Me raconte pas d'histoire, j'ai pas de souliers à mon pied. Garde ta Saint-Valentin. Dépasse le seuil de l'impertinence. Rien ni personne n'influencera mon alliance. Épargnons-nous les excuses inutiles, plus que plausibles. Ziyech, Bouna dénonce ce système hostile. Comment hostile? Le deuxième tour du FN, je ne peux que m'y faire. Comme un Churchill, mon discours rappelle le rideau de fer. Mets ma part au chaud, je risque de prendre du ferme. J'ai mal digéré la tête de nègre sur la bouche de mon ex-belle-mère. Ce n'est pas parce qu'elle fume que je dois respirer sa merde, mais parce que l'urne, sans l'hypocrisie, que je préfère l'odeur de ton herbe. Ici ou là-bas, ailleurs mais dans le fond, je sais que tu sais qu'ils savent ce que nous savons. Je ne changerai pas le monde, certes, mais tant que je serai féconde pour l'avenir de mon fils, j'irai jusqu'à creuser ma tombe. Cette force en moi me relève, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cette force en moi me réserve tous les mystères, oh. Cette force en moi me relève, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les choses, c'est derrière mon dos. Ça ne m'étonne guère qu'on veuille ma peau. Je n'ai pas qu'un seul but dans la vie, toujours pro. Le chiffre ou une 13 réapparaît comme ce maudit score au Parc des Princes. Sacré Marseillais. Superstitieuse, moi, rien à foutre de ton chat noir. Vu que ma couleur fait tache, si j'en croise un, faut croire qu'on est ensemble, la famille. Je suis un ruminel, j'ai brisé la glace. 7 ans de poids, de quoi ruminer. Réanime l'espoir, braque ma chance, pas le choix. Je touche du bois, j'imaginais déjà les couches, tu vois. Faut frôler la mort pour suivre une louve au pas. Mon côté est sombre parce que même les roses ont des épines. Même les prêtres sont pédophiles, alors avant de jurer sur la Bible que je brûlerai en enfer, montre-moi les routes du paradis. Sous l'échelle de Richter, je tremblerai ciel et terre pour Haïti. Cette force en moi me relève, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cette force en moi me réserve tous les mystères, oh. Cette force en moi me relève, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec une octave grave. Maître la louve au feeling al dente, lui teinte à peu près ce beau langage. Que vous êtes gentil, mais qu'est-ce que vous chantez faux, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes donc le phénix qui porte la poisse et hôte de ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il laissa parler demoiselle Mikia. Ah, il était temps, il était temps. Cette force en moi